Autre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Autre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Patarata, mon pote. Allez, c'est parti pour une nouvelle édition de La Courte Échelle. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants chaque semaine dans votre radio. C'est avec Cesserge que va commencer cette émission. Il est originaire de Moselle. Pendant 35 ans, il a exercé la profession d'infirmier libéral. Et depuis toujours, il écrit des textes. Il est passionné de chansons depuis son adolescence. Et il a rencontré un compositeur. Et avec lui, l'aventure était partie. Et voici tout de suite pour vous le présenter, Cesserge avec Amour Flou. Seul au monde, amoureux fou, au loin, des lumières un peu floues, besoin de rien, que de nous, notre amour fou, notre amour flou. Une thune pour unique fortune, un amour intense, destructeur, destructeur, destructeur, destructeur, qui vous arrache le cœur. Est un auteur, un compositeur et un interprète. Il est originaire de la région de la Mauricie au Québec. Il est sur scène depuis une vingtaine d'années et le voici dans La Courte Échelle avec Combien je t'aime. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Quand tu te couches tout près de moi, que tu déposes ta tête dans mes bras, J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis ton roi. Je suis heureux. Je suis ton choix. Est-ce que tu sais combien je t'aime? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu crois que ça vaut la peine? La peine que tu me feras. Quand la vie t'emportera et t'amènera loin de moi. Quand tu te lèves à côté de moi, que tu déposes tes lèvres du bout des doigts, je n'y crois rien. Je me pince parfois. T'es bien réel. J'entends ta voix. Est-ce que tu sais combien je t'aime? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu crois que ça vaut la peine? La peine que tu me feras. Quand la vie t'emportera et t'amènera loin de moi, tant que la mort t'épargnera. Le hasard de la programmation a fait que cette émission est totalement chantée en français. Voici le plaisir de retrouver la voix de Magali Michaud avec Comment faire sans. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le thé servi dans les tasses, les petits gâteaux étalés, les blagues fusent de tous côtés. Entre les garçons et les filles, on papote tous en famille. Les petits bonheurs quotidiens, être entouré par les siens. Et soudainement, faire sans, c'est indécent. J'ai pas la clé pour résister. Couleur de sang incandescent. J'suis effrayé, paralysé. Vivais dans un espace où chacun avait sa place. Mais tout ça s'est oublié. Va falloir recommencer. Dans ma tête ça part en vrille. Les peurs enfouies me torpillent. Bien sûr on n'y peut rien, mais pour maman c'est la fin. Et je me demande comment faire sans. C'est indécent. J'ai pas la clé pour résister. Effrayé, paralysé, l'insouciance s'est envolée, les repères ont explosé. Quel sens donner à ma vie si j'ai plus d'envie? Je sais pas bien comment faire sans, c'est indécent. J'ai pas la clé pour résister. Couleur de sang incandescent. J'suis effrayé, paralysé. Comment faire sans, c'est angoissant. J'ai Direction la Belgique, tout de suite, pour retrouver dans son studio peut-être Ange Remilla avec Je suis un marchand. Je suis effrayé, paralysé. La courte échelle. Ta peine s'envole, j'apporte la joie dans ton cœur, tu oublies tes petits malheurs. Quand tu regardes l'horizon, tu vois que le chemin est long. Pour ne pas perdre la raison, tu avances avec précaution. Marchand d'espoir, je lis au fond de ton regard, je vois émerger le passé, les instants tristes, les moments gais, les choses qui ne tournent pas rond. Parfois tu te sens en prison, évadons-nous dans ma chanson, sur la route comme deux vagabonds. Un marchand de sable, pour t'endormir, récite des fables, belles histoires, contes pour enfants, qu'intéressés écoutent les grands. C'est le moment bon de rêver, traverser des mondes enchantés, même si on sait que rien n'est vrai, quitter notre réalité. Marchand d'étoiles, sur vos ennuis dépose un voile, sèche les larmes dans vos yeux. Au fond, la vie c'est merveilleux. Je fais scintiller le bonheur, que vos beaux instants durent des heures, pour qu'on délaisse nos chagrins, faire place neuve au lendemain. Je suis un marchand d'amour, mes paroles sont comme du velours, la tête posée sur mon épaule, votre joue de ma main je frôle, vous ressentez comme un frisson. Jean-Jacques Delaunay, comédien, chanteur, musicien, humoriste, animateur radio. Il a commencé comme tromboniste de jazz et le voici avec L'amour est un pays. Le quotidien devient morne. Le rendez-vous des artistes indépendants. L'amour est un pays où tout le monde est roi, où rien n'est interdit, où la folie écrit les lois. Dans ce pays d'amour, laisse-moi t'emporter. Peut-être pour un jour, peut-être pour l'éternité. L'amour est un pays sans armes et sans frontières, faubourg de l'infini, un coin d'Éden à fleurs d'enfer, où l'océan paisible dort au pied d'un volcan. Rien n'est impossible, des cheveux blonds aux cheveux blancs. Puisque l'automne est venu, offrons-nous une autre chance. Un passeport pour l'inconnu, un visa pour l'insouciance, pour la au pied nus,

projets plein la tête. Toi, tu en fais partie. C'est aujourd'hui que tu décides. Veux-tu partager ma vie? Je te cherche. Dis-le aussi. Nous n'avons plus de temps à perdre. Je vieillis et toi aussi. J'ai des projets pleins la tête. Toi tu en fais partie. C'est aujourd'hui que tu décides. Veux-tu partager ma vie? Tant d'années aussi penser à moi. J'étais insouciant. Aujourd'hui c'est différent. Je sais très bien ce que je veux. Je suis enfin devenu sérieux. Auteur, compositeur, interprète en chanson française, il nous explique ici comment écrire une chanson. C'est le titre de ce morceau. Voici Laurent Blanchard. La courte échelle. Écrire une chanson, des bouts d'histoire, des bouts de mots qui se baladent et tournent en rond. Comment trouver les mots qu'il faut, laisser faire l'imagination, fermer les yeux, ouvrir son cœur, s'engager dans l'exploration, être prêt quand vient la lueur. tout à coup les mots s'arrêtent. Les idées fusent, tombent les rimes, une histoire qui te prend la tête. C'est le grand frisson qui t'anime. Noircir la page immaculée, trouver les images du tableau qui vont pouvoir nous emmener. Voler dans les rêves là-haut, faire confiance à l'inspiration qui nous guide sur un chemin, celui de la réalisation de ces quelques vers en quatre. Et tout à coup les mots s'arrêtent, les idées fusent, tombent les rimes, une histoire qui te prend la tête. C'est le grand frisson qui t'anime, mais n'est la plume qui s'exprime. Quand sur la feuille elle se promène, un scénario qui se dessine et qui vers d'autres se t'emmène. Et tout à coup les mots s'arrêtent, une histoire qui te prend la tête. Jacques Roure est né à Marseille dans une famille de musiciens. Il a exercé la médecine. Le voici dans la musique avec, par exemple, Où êtes-vous ? Une histoire qui te prend la tête. Êtes-vous ce soir, jardin du mois d'avril, et que sont devenus les sambas du Brésil, les accords de Baden Powell, loin des favelas citadelles, où le cœur des enfants demeurait en exil? Où sont passés du mois de mai tous les jardins où l'on se promenait imaginant demain, où tous les accords de couleurs nous parler encore de bonheur sur les chemins d'enfance où je prenais ta main? Où sont passés les coquelicots, les boutons d'or, la source qui noyait la conque jusqu'au bord, les hirondelles et le cerfeuil, nos ombres apaisées sous les feuilles pour voir l'étoile du berger quand la nuit dort? Où êtes-vous, jardin d'avril, jardin de mai? Vous, les saisons, êtes-vous partis désormais vers l'horizon des souvenirs où les oiseaux s'en vont mourir, comme on voit partir tous ces gens que l'on aimait? Où êtes-vous, mes songes d'une nuit d'été, où les mensonges ont pris la place des vérités, où l'homme n'a toujours pas compris que seule la vie n'a pas de prix, quand sur la terre on veut trouver l'éternité? Où êtes-vous ce soir, jardin du mois d'avril, et que sont devenus les sambas du Brésil, les accords de Baden Powell, loin des favelas citadelles, où le cœur des enfants est toujours en exil? Courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! Yeah. Il est alsacien, il s'appelle Tom Matisse. Le voici avec La vie est belle. On a parfois le cœur qui souffre, qui bat trop fort et qui s'essouffle. C'est de la peur qui nous empêche d'avancer. Des épreuves, des choix, des regrets, qu'on voit comme si la vie était impossible à surmonter. Pourtant tu le sais bien, autant voir le verre à moitié plein. La vie est belle, regarde un peu les sourires tout autour de toi. L'amour est là partout si tu y crois. La vie est belle, il suffit de se donner le droit d'être heureux et de voir le ciel bien moins noir que bleu. La vie est belle. Qui s'offre des envies d'appuyer sur off, de laisser tourner le monde et s'oublier. Un jour un mot qui ne va pas, un amour qui ne répond pas, et plus rien ne marche droit. Mais si tu le veux bien, tu peux choisir où va ton chemin. La vie est belle. Et bien après cette bonne nouvelle, je vous propose d'écouter Ludovic Lefebvre avec Toi et moi. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je sais plus trop, rien n'est jamais simple quand c'est toi et moi. Juste pour te dire que je vais bien, même si parfois encore le chagrin me prend lorsque je repense à toi et moi. Faut dire que c'est plus qu'une simple histoire, celle qui nous a mis sur le trottoir, les deux yeux trempés, le cœur hagard. Te dire que j'espère que tu vas bien, que la joie toujours suit ton chemin et que les étoiles brillent. Toi, sans moi, te dire que parfois j'ai des regrets, et bien sûr on ne saura jamais ce que l'avenir gardait pour toi et moi. Je n'ai sans doute pas été parfait, et qui d'entre nous le sera jamais, mais il y a une chose qu'au fond je sais. Un peu partout, je ne vois pas le jour. Je crois que ça m'aide à moins penser à toi et moi. Et bientôt je retenterai ma chance, goûter à d'autres peaux, à d'autres danses, même si elles ne seront jamais toi pour moi. Et j'espère que toi aussi tu vis, que tu débordes toujours autant d'envie. Mais quoi qu'il en soit, je sais aussi. Notre histoire est terminée. Je voulais juste écrire un petit mot, mais comment le dire, je sais pas trop. Je trouve jamais les phrases quand c'est pour toi et moi. Te dire que notre histoire c'était pas rien, et ainsi on a voulu le destin. Antoine McGouvern est auteur, compositeur et interprète autoproduit. Il est originaire du nord de la France, qui habite maintenant en région parisienne, et il est seul dans la ville. Mais restera toujours un peu de toi. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je marche seul dans la ville, comme perdu sur une île. Pas un terrien, dites-moi où sont-ils? Je sens comme un petit malaise, une vie entre parenthèses. Ça me dérange, le silence me pèse. Pas une ombre sous les arcades du palais. On dirait que le monde s'est arrêté. Dans cette ville fantôme, flotte comme un parfum d'automne. J'entends les oiseaux et cela m'étonne. Plus de resto, plus de ciné. Tous les commerces sont fermés. Faire des rencontres, ce soir c'est pas gagné. Pas une ombre sous les arcades du palais. On dirait que le monde s'est arrêté. Je rentre d'un long voyage, un retour simple sans bagage. Ça fait bizarre, la ville est trop sage. Le taxi me demande une adresse, je lui dis que rien ne presse. Le compteur tourne, je suis en détresse. Pas une ombre sous les arcades du palais. On dirait que le monde s'est arrêté. J'attendais juste un coup de fil. Nous roulons vers ton domicile. Ça roule facile, très peu d'automobiles. Je sonne et la porte s'ouvre. Tu es là, je te découvre. Ça fait plaisir, je te retrouve. Je vois ton sourire sous les arcades de l'entrée. La soirée peut enfin commencer. El Malek Brothers, c'est Eric à l'écriture et Jérôme à la composition. Les voici avec Electric Vertige. Le rendez-vous des artistes indépendants. Dans ce jardin abandonné, je regarde autour de moi, mais tu n'es plus là, et ma réalité m'a échappé. Le long des chemins sinueux, arbres se désarticulent et des statues s'animent peu à peu en chantant des louanges ridicules. Au fond, un vieux kiosque en ruine où des musiciens jouent en silence et d'étranges animaux font mine de danser dans d'étranges transes. Mais je crois t'entendre me murmurer que je suis toujours dans ton cœur. Mais c'est ma Fender Stratocaster qui joue complètement désaccordé. Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. 1, 2, 3. Avec trois accords, on peut faire de la musique sans guitare électrique. Prendre la clé du chant avec trois accords, on fait danser la vie. On oublie ses soucis, on repeint le décor. Quotidien fait son petit train-train, quand le ciel est gris à nourrir l'ennui, il faut quelques potes, des doudures et des dingues, sortir l'artillerie, mettre les coudes sur le zinc. 1, 2, 3. Avec trois accords, on peut faire de la musique sans guitare électrique. Prendre la clé du chant avec trois accords, on fait danser. Table, pâté et saucisson, faire un feu du diable et monter le son, prendre quelques filles un peu farouchées, habiles, taper dans les mains et chanter ce refrain. 1, 2, 3. Avec trois accords, on peut faire de la musique sans guitare. Jusqu'au petit matin, avec trois accords, on se saoulera à bord. L'ivresse est un navire qui traverse les ports. Hey! Électrique, prendre la clé du champ avec trois accords. Trois accords, c'est Willy, Tommy et Lionel. Willy et les Conquérants, trois Normands qui forment un groupe musical acoustique. Il y a deux chanteurs guitaristes et un batteur percussionniste. Arrive Romain Helvétius avec Ton Emprise. Il a une partie de sa vie sur le devant de la scène du sport automobile puisqu'il était champion de karting. De fait, je cherche le sens d'où je viens. Doucement, je commence à m'y faire. Comme un coup de foudre sans lendemain. Comme un ennemi qui te tend la main. Je cherche le sens, ne fût-ce qu'un lien. Doucement, je vois un peu plus clair. Sous ton emprise, c'est dur de garder le cap. Mais mal à dérive, j'essaye de marcher droit. Sous ton emprise, c'est dur de garder le calme. Mais mal à dérive, j'essaye de marcher droit. Surtout marcher droit. Sous ton emprise. Qui ne prévient pas une hallucination bien plus réelle que moi. Je cherche le sens pour presque rien. Bientôt je commence à m'y plaire. Comme une histoire qui tourne sans fin. T'es dans mon lit ce soir, plus dans ma vie demain. Je cherche le sens de mon chemin. Je commence à manquer d'air. Sous ton emprise, c'est dur de garder le cap. Mais mal à dérive, j'essaye de marcher droit. Sous ton emprise, c'est dur de garder le calme. Mais mal à dérive, j'essaye de marcher droit. Surtout marcher droit. Sous ton emprise. Sans savoir, on n'a pas toujours le temps. À quoi bon courir sans y croire? J'essaye de marcher tout droit, surtout marcher droit. Les poètes n'ont pas disparu, c'est le projet que défend encore actuellement le Marseillais Terry Vallant. Ce projet, en voici un extrait avec le lion et le pangolin. Le rendez-vous des artistes indépendants. Un très jeune lion, bien fort en vocalise, gagna ses galons dans une jungle en crise. Auprès d'une lionne à l'apparence austère, il dirigeait le monde d'une patte de fer. Et puis un beau matin, reçu en audience, un étrange pangolin lui fit une confidence. Ô vénérable roi, je suis un médecin, j'apporte de ce pas un tout nouveau vaccin. Ah, ah bon, dit le roi, hautain et arrogant, tu piques contre quoi, petit impertinent? Un virus virulent, il faut agir très vite, tant qu'il est encore temps et fixer des limites à tout déplacement. Foutaise et baliverne, c'est bientôt le printemps. Même ceux qui hibernent sortent du confinement. Amis, aux yeux bridés avec de grands discours, je protège mes sujets. Alors, fais demi-tour. Voilà qu'en quelques jours, la maladie ravage. Décime tour à tour les avancées en âge. Le varan des savanes, une espèce de saurien. Immédiatement condamne le manque de moyens. Un castor fait barrage, il construit des frontières. Les animaux sauvages ne quittent plus leur terre. Nathalie et Annick sont de Montréal. Elles forment le duo En Colis avec Filet Doux. C'est avec elles que va se terminer cette émission. Moralité, l'ennemi le plus sournois est bien souvent le plus courtois. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Tu m'écris, tu es désolé. Tu me parles d'imprévu. On ne compte plus les lunchs et les cafés manqués. Tu ajoutes, on se reprendra. On a toute la vie devant. Mais en vrai, ce qu'on a, c'est maintenant. Je suis dépassée par ma vie sans dessous dessus. Je ne compte plus mes heures et mes idées perdues. Tous les jours, l'épreuve à relais. Je sais plus pourquoi je cours tant. J'ai Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir d'autres artistes indépendants dans tous les styles et dans toutes les langues. D'ici là, eh bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite et surtout, soyez heureux. Un moment pour filer tout, tout, tout. Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.